quand il meurt ou s'endort, c'est la chaleur de ta voix qui les apaise et les traîne jusqu'en dehors des combats. Oh Marlène, c'est la haine qui nous a amenés là, mais Marlène, dans tes veines coulait l'amour des soldats. Et quand il meurt ou s'endorme, c'est dans le creux de tes bras qu'il s'abandonne et qu'il brûle comme un clope. S'accroche en haut des pas, mais Marlène, dans tes veines coule l'amour des soldats. Quand il meurt ou s'endort, dans la chaleur de tes bras, ça les apaise, ça les traîne jusqu'en dehors des.